Bonjour. Il y a le dernier live que j'ai fait, bon, je l'ai effacé parce que en le réécoutant, je me rendais compte que il y a des choses que je disais, puis là j'écoutais, je disais, voyons, je dis n'importe quoi, c'est pas ça, je me trompais. C'est peut-être un petit peu là, des fois, là, ça arrive, hein, puis je fais pas de montage, moi c'est d'une traite. Donc, j'ai pas envie de répandre des faussetés non plus, là. Je confondais Saint-Jérôme avec un autre personnage, puis en l'écoutant, je dis, ça a pas de bon sens. Surtout que ça risque d'être écouté par des gens très rigoristes et cette rigueur-là les honore, au fond. Donc aujourd'hui, il y a quelqu'un qui fait partie de mes abonnés, je pense. Quelqu'un m'a envoyé un lien vidéo où, par rapport à certaines choses qui sont arrivées dernièrement, il semble, au début en tout cas, il fait mention à moi, puis ça pourrait être interprété, comme s'il prenait parti pour moi. Alors que je considère que bon, on n'a pas à se positionner ou à prendre parti, là. Je veux pas qu'il y ait une antagonisation de ça. Ça va juste engendrer plus de chicanerie, plus de division. Aussi, bon, comme je dis, par rapport à tout ça, il y a des gens dont la rigueur les honore. Donc, il y avait certaines erreurs, là, comme par exemple, Sodome et Gomorre, c'est dans l'histoire de Lot, là, ça. C'est pas lié à Moïse, là, nécessairement. Des erreurs comme ça que, bon, ça aide pas. De toute façon, il faut respecter, justement, ce qu'on pourrait appeler un certain bagage chez autrui, parce que, bon, ça sert. Ça sert toujours. Moi, j'ai jamais été anti-catholique, dans le fond. Puis j'en côtoie, là, des catholiques. D'ailleurs, il y a une dame qui est venue tout à l'heure, puis après, elle allait à la messe. Puis c'est correct, c'est une dame un petit peu dépressive qui fait des crises d'angoisse, puis en allant à la messe, puis ça aide à évacuer de l'angoisse, dépendamment du type psychologique des personnes, puis c'est correct, puis ça sert. La vidéo d'une personne que je pense peut-être être mon abonné, là, je suis pas allé vérifier, qui a fait une vidéo. Bon, il y a des choses qui sont dites là, comme qu'il y a de la provocation, comme on dirait un petit peu, là, comme il parle de prendre le livre de l'Apocalypse, d'aller le brûler devant l'Église, ou que les croyants, il dit les croyants c'est de la merde, ou les apôtres c'est de la merde. Là, c'est peut-être un petit peu pas très ajusté, je trouve, puis je peux pas vraiment, en tout cas. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez, là. Mais il reste que moi, je peux pas. Ça me fait un petit pincement quand j'entends ça. Puis des fois, je me dis, bon, ben, si on m'accuse d'égarer les gens, je veux dire, du point de vue d'un croyant, ben là, si on le regarde d'une façon au premier degré, ben là, c'est un petit peu leur donner raison. Si ça, c'était dû à une influence de ma part, là. En tout cas, moi, je ne peux pas endosser nécessairement des propos comme ça. Ce n'est pas non plus un reproche, là. Je suis pour que les gens parlent librement. Mais ça me fait un petit pincement d'entendre des choses comme ça. Que les croyants, c'est de la merde. Puis, comment je pourrais dire ça? C'est très intime, le rapport avec des choses comme ça. Puis, par rapport à l'autre. Ça devient. Faut pas que non plus l'être humain ait l'individu humain ait la prétention de lire les cœurs non plus, là. Puis ce qui compte vraiment, dans le fond, c'est l'intention. Donc, je sais que c'est pas pour être insultant, là, que des propos comme ça sont tenus. Mais il reste que ça l'est un petit peu, puis ça pourrait l'être pour certaines personnes. Puis bon, c'est du rentre-dedans dont je vois pas l'utilité. Puis c'est certain que plus on va se faire avoir à entrer dans des choses comme ça qui vont engendrer encore plus d'inimitié, encore plus de division, puis finalement tout le monde va être perdant. Donc de ne pas prendre ça trop à cœur. Puis aussi, c'est certain qu'il y a de l'incompréhension beaucoup par rapport au supramental, mais surtout le supramental particulier, parce que en général, le supramental, moi-même, je suis très, très, très critique. Moi, l'aspect qui m'intéresse, c'est les aspects au niveau des phénomènes psychiques, puis par rapport aussi à certains aspects par rapport à une certaine mécanicité de la pensée. Puis aussi, l'importance de ne pas croire, mais ça n'a jamais été quelque chose qui était dit contre les croyants, ça. L'affaire, c'est qu'au niveau des phénomènes psychiques, de ne pas croire, tout simplement, dans le sens que, bon, ben, l'esprit de l'homme, si vous voulez, ou l'ego humain, même si plus, bon, c'est plus juste comme terme, l'ego humain est limité. Puis, aussi, le discernement, ça semble être progressif, entre autres lié à des phénomènes d'intégration de la réalité, dans le sens que l'être humain est limité par son expérience, puis qu'il n'y a pas accès au réel au niveau d'une vue claire directement, c'est tout. Donc, les pensées, de ne pas croire ce qui nous passe par la tête, tout simplement, c'est dans ce sens-là, surtout ne pas croire. Même ses propres pensées. Donc, moi, j'ai jamais, dans le fond, jugé ou les croyants. Dans le sens que, bon, ben, il y a une distinction entre la personne, puis, je veux dire, on peut jusqu'à un certain point juger les croyances, mais c'est toujours pour soi. Ça va toujours être valable seulement pour soi. Dans le sens que, comme dernièrement, il y a quelqu'un qui m'avait dit pendant le live là, que j'ai effacé que blasphémer peut attirer le malheur. Puis bon, moi, à mes yeux, ça, c'est un petit peu de la superstition. Mais on n'a pas à être insultant non plus envers les gens qui ont des supports comme ça au niveau de leurs croyances, parce que ce serait pas correct. De jamais. On n'a pas à juger la personne, puis faire une distinction entre la personne, puis les aspects circonstanciels de sa personnalité, entre autres, puis ce qui lui sert ou pas, puis là où elle est dans sa vie, où est-ce qu'on n'a pas. Bon, il y a une distinction à faire. Puis je considère que on n'a pas à être. Ça va nuire. Ça va nuire. Je veux pas que ça devienne une joute inutile, parce que c'est toujours inutile dans le fond. Puis ça ne servira à rien. Ça risque de choquer des gens pour rien. Ça risque de. Ça servira à rien d'être insultant. Donc, de faire attention un petit peu. Puis de respecter l'autre en tant qu'individu. C'est-à-dire. Le fait que l'autre est dans son expérience à lui. Puis que aussi admettre que, justement, on n'a pas l'objectivité au niveau psychologique de lire les cœurs, puis que de comprendre nécessairement aussi l'expérimental d'autrui en tant qu'individu, puis de faire attention. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Parce que, dans le fond, moi, l'approche que j'ai du supramental, c'est pas celui d'une croyance ou d'une doctrine, c'est une étude au niveau de la pensée puis de l'exercice de la parole quand il n'y a pas de réflexion. Puis comme c'est un exercice, ben c'est pas parfait, puis il y a une amélioration qui peut être faite par cet exercice-là. Mais on devrait tout le temps chercher à être ajusté quand même, puis on n'a pas à manquer de respect à autrui non plus. C'est inutile. Puis pas faire attention à l'émotivité aussi par rapport à ça. Dans le fond, moi, mes postulats de base, par exemple, c'est que bon, l'intelligence de l'individu humain, de l'homme, est limitée. Donc, je pars du postulat que je suis pas intelligent. Donc, j'essaie de rester dans l'observation objective de mes propres pensées, en considérant que c'est possiblement de la manipulation, parce que justement, j'ai pas une intelligence absolue, au contraire. Donc, je fais la différence entre les pensées et ce qui observe les pensées. Puis le vrai moi réel, c'est ce qui observe, pas ce qui est observé. Donc, aussi, un autre postulat par rapport à mon approche du supramental, c'est que l'être humain est inconscient. Donc, je me considère de prime abord comme inconscient, puis c'est par l'observation de mon inconscience qu'il peut y avoir une intégration d'une mécanique qui fait que on gagne en conscience. Donc, il n'y a pas grand-chose, je veux dire, pour qu'une conscience réelle soit en expansion, ben, il faut considérer que justement notre conscience est limitée, puis l'observer, ça. Puis c'est par l'observation des mécanismes de notre inconscience qu'on peut justement peut-être être plus lucide. Puis c'est pas une question d'être une conscience au-dessus des autres par orgueil, c'est une question d'être plus lucide tout simplement. Pour pas justement avoir besoin de support, dans le sens que, comme la dame que je parlais qui évacue de l'angoisse, bon, c'est bien, ça lui sert, c'est un support. Mais ce serait encore mieux de que ça donne à cette activité-là sans que ça soit un support pour le psychologique tant que ça, pour que justement, peut-être qu'il y ait un contact par rapport à son expérience, dans le fond, qui soit plus objectif. Mais ça, tant que c'est pas faisable, c'est une question de capacité. Ben, c'est pas grave, là. C'est pas la personne n'a pas moins de valeur pour ça, ça n'a rien à voir. Donc, si on veut intégrer au niveau de la conscience, d'abord, c'est de considérer que c'est par l'étude de l'inconscience, des mécaniques de l'inconscience, l'intégration des mécaniques de la subjectivité, qu'on peut aller vers un petit peu plus de conscience. Puis c'est pas une conscience qui se place au-dessus des autres. Au contraire, c'est une conscience où on va voir l'autre et avoir un certain respect. Dans le sens que, bon, au niveau de ce qu'on pourrait appeler l'âme humaine, il y a l'amour, si vous voulez, qui fait que, bon, il y a un rapport à l'autre. Bon, c'est quoi réellement le prochain? OK. Mais au niveau d'une conscience, s'il va avoir de l'amour à un moment donné par une vue, par la conscience, là, c'est plus ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, du domaine de l'esprit que de l'âme. Puis ça devrait toujours tendre vers ça, dans le fond. Parce que si on le prend, si on le regarde, là, même que ce soit croyant, pas croyant, ou que ce soit au niveau du principe théologique, ou juste métaphysique, ou juste scientifique, peu importe, si on regarde au-delà de la forme, puis qu'on prend, par exemple, l'idée, l'esprit, bon, il y a l'esprit de Dieu, mais il donne l'âme à l'homme, si on peut dire, mais l'esprit de l'homme, c'est pas l'esprit de Dieu. Je sais pas si vous voyez, là, on tombe dans des aspects qui sont difficiles pour un entendement humain parce que ça devient nécessairement de l'abstraction. Donc, de comprendre que l'être humain est limité, puis que ça s'exprime différemment en chacun, mais de pas mettre rien au-dessus de personne, là. Puis de pas se servir de des choses comme ça pour diviser. Parce que c'est des pièges, puis bon, ça nous servira pas. À moins de se rendre compte que bon, c'était subjectif de notre part, puis que ça sert pas. Ça sert pas. Donc, pourquoi Dieu a pas d'âme? C'est pas parce qu'il est mauvais, c'est parce qu'il n'en a pas besoin. Mais Dieu est un esprit, on peut dire. Mais l'esprit de l'homme, c'est pas l'esprit de Dieu. Donc, on est limité. Mais ça, c'est des formes au niveau théologique, philosophique. Moi, j'ai pas de positionnement dogmatique ou doctrinal. C'est juste pour un exercice, entre autres, pour comprendre que ben, l'intellect est limité. Parce qu'à un moment donné, on tombe dans des aspects que l'intellect, il peut pas faire autrement que de boguer. C'est pour ça qu'au niveau du mysticisme d'un individu, on n'a pas à faire du rentre-dedans ou à le juger. Puis c'est toujours l'intention, dans le fond. L'intention n'est pas nécessairement mauvaise, même au contraire. On pourrait même aller jusqu'à dire que l'être humain, si on le regarde comme il faut, on se rend compte que au-delà de la subjectivité circonstancielle de sa personnalité liée à son expérience et à son vécu, ben, l'être reste fondamentalement bon s'il n'était pas subjectivement pollué. Puis au niveau de que ça peut aider, certains principes liés justement peut-être à certaines formes de spiritualité pour voir les limites de l'intellect, ben, si vous prenez des principes comme l'amour, l'intelligence, la volonté, puis que vous les appliquez à Dieu, là, on se rend compte des limites de l'intellect humain. Parce que Dieu est inconnaissable, dans le fond. C'est un des. Ben, je parle par un esprit humain. Donc, d'une certaine façon, de quoi on parle? C'est pas important le positionnement qu'un humain peut en avoir, parce que ça va être nécessairement subjectif. Donc, si on regarde l'intelligence, la volonté, puis l'amour, bon, on pourrait dire, bon. L'intelligence, l'intelligence divine est amour, puis se manifeste par sa volonté. Puis on peut faire des permutations. La volonté de l'intelligence divine, ça, ça se manifeste par l'amour divin. Puis par des permutations comme ça, on peut arriver à à 16 énoncés. Puis n'importe qui regarde ça, il va dire, ben, ça a une certaine logique, chaque. Puis à un moment donné, on se perd, puis on se rend compte que c'est là, là, on tombe là, dans là où l'intellect, il y a de la misère, là. C'est des choses, on n'en fera jamais le tour. Pourquoi? Ben, parce que ça a rapport avec ce qu'on pourrait appeler l'absolu. Comme j'avais dit avec David Lévesque dans une entrevue, ben là, des fois, comme par exemple, pour un rabbin, il va dire, on sait que Dieu est absolu parce qu'au niveau de la cause à effet, on va tout le temps arriver à finir par la volonté de Dieu, par exemple. Puis si on regarde la cause de la volonté de Dieu, ben c'est la volonté de Dieu. Donc là, on est dans l'absolu. Mais on pourrait se demander, si on le regarde comme ça, puis qu'on veut se rendre compte un peu des limites de l'intellect, oui, mais est-ce que la cause de la volonté de Dieu, ce ne serait pas Dieu? Donc, est-ce que la volonté de Dieu précède Dieu? Ou est-ce que c'est indissociable parce qu'en dehors du temps puis de l'espace comme on le conçoit, puis ainsi de suite? Puis ça, ben, ça peut aider à voir les limites de l'intellect parce que c'est des choses desquelles on ne peut pas sortir, puis on se rend compte des limitations de l'intellect. Puis de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, le mental humain. Mais tous, dans nos vies, à un moment donné, on a reçu de fortes intuitions qui nous ont fait éviter un danger ou puis ça venait pas de l'intellect égoïque humain. Ça venait d'une certaine intelligence qui, des fois, se manifeste dans l'individu, puis qui semble liée à sa vraie nature profonde. Donc, moi, mes yeux, c'est ça, le supramental. Je parle, c'est un terme générique qui peut englober tellement de choses. Moi, je ne l'ai jamais fixé dans une doctrine, donc je ne serais pas censé avoir à être confronté par de la doctrine, mais il reste que, bon, la psychologie humaine étant ce qu'elle est. Aussi, les angoisses, comme dernièrement, il y a quelqu'un qui me disait, ben oui, mais à la fin de vos jours, quand vous serez à votre mort, c'est pas au supramental, Père Bernard de Montréal, que vous en remettrez. Ouais, mais pourquoi tout le temps lier ça à de l'angoisse existentielle? Je veux dire. C'est ça le rapport, je veux dire, non, ça n'a pas rapport. De la même façon que, bon, les blasphèmes attirent le malheur, je vois ça un peu comme de la superstition, encore liée à une subjectivité qu'on a. Puis au fond, les relations qu'on a les uns aux autres, faut pas que ça devienne une intersubjectivité qui va être juste la manifestation de la division, puis engendrer de l'inimitié. L'inimitié puis de l'iniquité, ça peut pas faire autrement. Donc, de pas prendre ça trop à cœur, de pas être trop formel non plus. Mais si on a affaire à des gens formels qui sont des rigoristes, ou de comprendre aussi que une certaine rigueur s'est ajustée puis que ça c'est une rigueur qui les honore aussi. Donc, de faire attention. On n'a pas plus on va se positionner. Plus on se positionne, puis plus on risque d'être dans le jugement des positions, des autres positions. Puis je pense que c'est important d'éviter ça. Bonne journée à tous.